C'est moi qui nomme l'esquimau. J'ai un igloo super avec peignoir et lavabo. Tous les jours à la chasse, je tue les phoques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, sinon vendre mes breloques? Pas de voiture ni d'autobus, pas besoin de courir. Mon chien n'a pas de pupus, trop froid pour en souffrir. Tout seul sur la banquise, le soir dans mon igloo. Je rêve à une marquise qui me ferait des plats chauds. C'est moi qui nourris l'esquimau. Je tape sur des bidons, comme ça il fait plus beau et ça éloigne les ponts. Why,